Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Aujourd'hui, nous apprendrons la leçon 17. La phrase clé du jour est... Osusume wa nan desu ka? Quelle est ta recommandation? Le personnage principal de notre sketch, Anna, est une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Elle est arrivée dans une librairie accompagnée de ses amis Sakura et Rodrigo. Nous allons suivre leur conversation dans le rayon des mangas. Écoutons le sketch de la leçon 17. La phrase clé est... Osusume wa nan desu ka? Quelle est ta recommandation? この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか?これはどう?ホラーはちょっと。Laissez-moi maintenant vous expliquer le sketch. Anna a dit: この本いいな。Ah, c'est un bon livre. Ah est une exclamation qui exprime une légère surprise ou une émotion. この本 est la combinaison de この ce, cette et de hon livre. Ensemble, il signifie ce livre. いいな signifie est bon. い est un adjectif qui signifie bon. な est une particule que l'on ajoute à la fin d'une phrase lorsqu'on murmure ou qu'on se parle à soi-même. Être heureux se dit ureshi. Donc, je peux me dire à moi-même ureshina lorsque je suis heureuse, n'est-ce pas? Tout à fait. Anna poursuit. Are mo omoshiroso. Celui-là également a l'air intéressant. Are signifie celui-là. Mo est une particule qui signifie aussi. Omoshiroso signifie avoir l'air ou sembler intéressant. La forme originale de ce mot est omoshiroi, intéressant. On laisse tomber sa terminaison i et on la remplace par so pour obtenir omoshiroso. So indique que vous faites une supposition ou que vous passez un jugement en regardant une chose. Anna a trouvé de nombreux mangas qui ont l'air intéressants. Elle n'arrive pas à décider lequel acheter. Elle demande alors à Sakura. Sakura-san no osusume wa nan desu ka? Sakura, quelle est ta recommandation? Osusume signifie recommandation. No est une particule qui lie les substantifs. Sakura-san no osusume signifie la recommandation de Sakura. Wa est la particule qui indique un sujet ou le marqueur de sujet. Nan desu ka signifie qu'est-ce que c'est? Vous vous en rappelez notre phrase clé aujourd'hui? Osusume wa nan desu ka? Quelle est ta recommandation? Est une expression utile. Veuillez la mémoriser. Sakura prend un livre et le suggère à Anna. Kore wa dou? Que penses-tu de celui-ci? Kore signifie ceci. Wa est le marqueur de sujet. Dou signifie que penses-tu? C'est une expression utilisée pour connaître l'idée d'une personne. Dans ce cas, après ce mot, desu ka est omis. Cela rend l'expression familière. Il s'agit d'une question. Il faut donc la prononcer en haussant l'intonation. Les femmes prolongent parfois la fin de do et disent quelque chose du genre. Kore wa do? Anna regarde le livre que lui a suggéré Sakura et répond. Hora wa chotto. Les livres d'horreur sont un peu... Hora signifie livre d'horreur. Il s'agit en fait du mot horror, emprunté de l'anglais. Wa est le marqueur de sujet. Chotto signifie un petit peu. Vous pouvez l'utiliser pour refuser une proposition en douceur et d'une façon indirecte. Après chotto, les expressions négatives telles que c'est difficile pour moi sont omises. Vous utilisez presque ces expressions de sorte que votre refus ne sera pas trop tranchant. Lorsqu'on le prononce, on insiste légèrement sur la consonne qui suit cho. Chotto, n'est-ce pas? Donc, lorsque quelqu'un m'offre une chose que je n'aime pas, je peux la refuser en disant chotto. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 17. Notre phrase clé aujourd'hui est おすすめは何ですか? Quelle est ta recommandation? この本いいな。あれも面白そう。 さくらさんのおすすめは何ですか? これはどう? ホラーはちょっと... Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, nous avons appris « omoshiroso », avoir l'air ou sembler intéressant. On l'utilise lorsqu'on fait une supposition. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la façon d'utiliser cette expression ? Demandons à notre professeur. Comme dans le cas de « omoshiroso », cela semble intéressant, si on ajoute « so » après un adjectif, on peut dire ce à quoi on pense après avoir regardé ou entendu quelque chose. Dans la leçon 13, nous avons appris qu'il existe deux types d'adjectifs en japonais. Le premier type, ce sont les adjectifs en « i ». Ils se terminent en « i » comme « omoshiroi », intéressant et « isogashi, occupé. Le deuxième type d'adjectifs, ce sont ceux en na. Ils sont suivis de na lorsqu'ils précèdent les substantifs qu'ils qualifient. Hima, libre ou n'avoir rien à faire, est l'un d'entre eux. Si l'on ajoute so, une expression de supposition, aux adjectifs en i, on remplace i par so. Par exemple, isogashi, occupé, devient isogashi so, avoir l'air occupé. Dans le cas des adjectifs en na, on leur ajoute simplement so. Par exemple, hima, libre, devient hima so, semble être libre, semble n'avoir rien à faire. Je vais maintenant vous expliquer comment mettre so à la forme négative. Dans le cas des adjectifs en i, on remplace i par kunasaso. Par exemple, isogashi, occupé, devient isogashiku nasaso, n'a pas l'air occupé. Pour ce qui est des adjectifs en na, vous les faites suivre de Deva nasaso. Par exemple, hima, libre, devient hima deva nasaso, n'a pas l'air libre. C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique Mots descriptifs des sons. Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Hey, je n'entends rien. En fait, il existe en japonais un mot pour exprimer une situation où il n'y a aucun son. Shin. Une librairie est en général silencieuse. On décrit cela ainsi. Shin. Vous faites une blague, mais personne ne rit. Shin est une façon de décrire cette situation. Laquelle peut s'avérer un peu gênante. En effet. Cela dit, Mélanie, j'aimerais vous poser une question. Que décrit le mot suivant, selon vous ? Zurari. Zurari ? Je ne sais pas. Il décrit comment les gens ou les choses s'alignent. Par exemple, on dit qu'une pièce est garnie Zurari. De livres. Dans notre rubrique mots descriptifs des sons, aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir Shin. Et Zurari. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique, les tweets d'Anna. Une grande librairie dispose d'ordinateurs pour les clients. On peut les utiliser pour vérifier si le livre que l'on cherche est dans le magasin et si c'est le cas, où il se trouve. C'est pratique. Avez-vous apprécié la leçon 17? Notre phrase clé aujourd'hui était おすすめは何ですか? Quelle est ta recommandation? Anna est heureuse, elle s'est acheté un manga de comédie romantique. Lors de notre prochaine leçon, Anna vivra un petit incident. Ne manquez pas cette leçon.